Là maintenant, sur Fadjet, il est 19h, enfin il est 19h dans le monde, enfin en France, et il est une certaine heure dans le monde entier, et là il est 19h, il est temps pour nous de passer à un autre programme, Ça ira mieux demain, votre émission entièrement pilotée par Benoît. Il y a quelqu'un ? Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission ! Fadjet. Alors j'espère qu'on va me préparer ma boisson gazeuse, hein, c'est l'heure de l'apéritif. Je vais sortir mes pistaches et mes noix de cajou et je vais écouter ça ira mieux demain. Oui, mais tu peux participer, Laurent, il n'y a pas de souci. Alors, mais voilà. Si je mange des noix de cajou. C'est pas grave. Ah bon. Fais attention surtout pas t'étrangler. Parce oui. que là, ce serait dommage. Oui, alors. Obligé de me faire du bouche à bouche. Oui, c'est vrai. Puis alors, non, je peux pas, j'ai un masque. Puis non, je pourrais être contaminé encore. Non, donc voilà, plus sérieusement, ce qui est bien, et finalement, ce que j'aimais bien à l'époque sur Netflix, quand on regardait son petit épisode de Dynasty par semaine, finalement. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus de séries comme ça qui donnent des rendez-vous hebdomadaires. Nous avons le pouvoir des anneaux grâce à Amazon Prime et nous avons, grâce à OCS, eh bien, cette maison des dragons, à House of Dragons, qui chaque semaine nous emmène quelque part. Et là, il y a eu quelque chose qui a défrayé la chronique il y a deux épisodes, à partir de l'épisode 6. C'est un saut dans le temps. Un saut dans le temps de 10 ans d'un coup et qui a perdu tous les fans qui ont perdu leur repère puisque comme ils ont pris une décision aussi un peu drastique, c'est qu'ils ont aussi changé les personnages principaux, notamment les deux personnages principaux qui incarnaient Rhaenyra et la reine Alicent, la reine consort Alicent. Ces deux personnages qui étaient joués par Millie Alcock et Millie Carré, eh bien elles ont disparu, elles ont été remplacées par Emma Darcy qui incarne depuis ce numéro-là Rhaenyra et Olivia Cooke qui est maintenant désormais dans la peau d'Alicent, la femme du roi. C'est perturbant et on a du mal de comprendre pourquoi un saut dans le temps de 10 ans. Alors qu'il y aurait pu, il y a des moments clés qui se sont passés dans ces 10 ans. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal de raccorder tous les fils. Alors il faut se... Alors, ça a beaucoup défrayé les chroniques de tous les fans qui n'ont pas compris. Alors très vite, la production de House of Dragon a pris la parole en leur disant « Oui, nous comprenons votre malaise, mais sachez que ça aurait pu être pire. » Histoire de dire qu'ils auraient pu faire encore des coupes plus drastiques. Alors, pourquoi ? On ne sait pas trop, parce qu'on nous annonce d'autres sauts dans le temps avant la fin de la saison. Donc, c'est une saison de 10 épisodes. On en est donc à l'épisode numéro 7, qui a été diffusé lundi. Il en reste donc 3. D'autres sauts dans le temps sont possibles. Et on a du mal à croire, et on ne sait pas trop pourquoi, ils ont changé les actrices. 10 ans, on peut vieillir un acteur de 10 ans. Car même le roi a été vieilli, le roi n'a pas changé, alors que sa fille et sa femme ont changé. Donc on se pose cette question-là. On n'a pas eu vraiment de réponse. Et c'est vrai qu'en interrogeant les actrices, elles étaient un peu tristes d'avoir quitté leur personnage, mais sans plus. Alors est-ce qu'ils ne devaient pas dire pourquoi ? Ou parce qu'il y a une vraie volonté, est-ce qu'il n'était plus disponible, ou s'il y a une vraie volonté scénaristique, on a du mal de comprendre. Soit à la limite, on changeait tous les personnages, 10 ans après, ils ont tous été un peu métamorphosés. Mais voilà, ces deux personnages principaux ont été changés et ça perturbe un petit peu. Par contre, l'atmosphère y est toujours aussi prenante. Une fois qu'on a réussi à raccorder les fils, on est de nouveau dans cette passion de cette époque-là. Et les dragons, ils sont toujours là, toujours présents. On en voit, je ne dirais pas de plus en plus, mais de plus en plus précisément. On sent la noirceur arriver de cet univers. Et sincèrement, on a hâte de découvrir l'épisode qui arrive dans la nuit de dimanche à lundi aux États-Unis et qui arrive dès la journée du lundi. Le lundi soir, il est disponible sur OCS en version française ou en version originale. Et ça, c'est vraiment un plus. Et c'est vrai que vivre un petit peu et interagir avec les internautes du monde entier sur une série, ça évite tous les spoils que l'on est infesté si vous ne regardez pas une série qui sort sur Netflix ou Amazon Prime avec les 10 épisodes, où on a l'impression que les gens sont là à visionner les 10 épisodes. À la fin de la journée, ils sont déjà en train de vous dévoiler d'immenses spoils et c'est difficile de ne pas tomber dessus. Cet univers, cet intérêt de passer un épisode en plus d'une heure chaque semaine, ça fait énormément plaisir. Donc, on a hâte d'être lundi pour pouvoir découvrir ce nouvel épisode de House of Dragon. Alors, si je peux donner une piste à ceux qui sont fans de House of Dragon et qui sont perturbés par ce changement d'actrice, oui, c'est deux actrices qui ont été changées. Entre autres, il y a aussi quelques acteurs. Mais... Ah, des acteurs aussi. Mais donc, si vous voulez, on peut vous donner le numéro de téléphone de Grant Shaw qui joue Blake Carrington dans Dynasty. Lui, à chaque saison, c'est le même personnage, mais la femme change. Oui. Et lui, il n'a pas l'air d'être perturbé. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est des belles femmes. Il y a encore eu d'autres changements. Non, je plaisante. Ah non, d'accord. Mais on a quand même eu deux saisons avec une certaine Crystal. On en a eu une nouvelle avec une autre Crystal. Et celle-ci est restée qu'une saison. Et pour la saison 4 et 5, on en a eu une nouvelle aussi. Mais apparemment, Grand Show, il n'a pas l'air d'être perturbé. Même pas une petite note d'humour sur le changement de visage. Tout passe tranquillement. De toute façon, c'est ça l'univers des soaps. Donc, pourquoi pas appeler Grand Show ? Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Allez, dans quelques instants, nous partirons dans notre parloir où nous allons respirer avec une série Netflix qui a cartonné alors qu'on ne s'y attendait pas du tout à la fin de l'été. C'est légèrement, pas documentaire, mais c'est une invitation au voyage et un parcours de vie dans la forêt canadienne. On vous embarque, Laurent et moi, dans quelques instants. Mais avant cela, on est en direct. Et l'avantage du direct, c'est si on avait enregistré l'émission hier, on n'aurait pas pu vous passer le nouveau Ed Sheeran en duo avec Vianney, car cette chanson est sortie ce matin. Et donc, on vous la propose ce soir, en ce vendredi 7 octobre, à 19h08. Voici un duo. Lui voulait chanter en anglais et l'autre voulait chanter en français. Voici Ed Sheeran et Vianney. C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Je let it be over. Every high, every low, they will come and they go to feel alive. You gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Liv est une avocate de New York. Alors qu'elle voyage à bord d'un avion après avoir convaincu le pilote et le copilote de l'accueillir, ils sont victimes d'un crash. Seule survivante de l'accident, la jeune femme va devoir tenter de survivre dans une région reculée du Canada. La série Respirer plonge le spectateur aux côtés de Liv, seule survivante donc après le crash d'un avion de tourisme dans un lac situé en pleine nature. Elle va tenter de survivre au cœur de cette nature hostile, où elle va devoir se nourrir et retrouver son chemin vers la civilisation. En parallèle, divers moments de son passé viennent la hanter au cours de son périple. Seule, oui, mais avec ses souvenirs. Pourquoi t'es venue ici, Liv? Qu'est-ce qui t'effraie autant? Tout va bien. Sache que ça n'était pas ta faute. Ah, c'est pas vrai! Vous pouvez m'aider? Raval, on se réveille. Il y a quelqu'un! Les secours viendront pas. Personne sait combien. T'es toute seule. Vous êtes sur la messagerie de Liv. Je ne suis pas en mesure de décrocher. Mon téléphone est mort et je suis perdue en pleine forêt. Personne va venir te chercher. Parce que personne n'en a rien à foutre de toi. Rien ni personne te viendra en aide. Hé ! Je suis là ! T'es sûr que ça va ? Perdu. Allez, Liv, debout, active-toi un peu. Debout, Liv, tu dois aller de l'avant. Tu sais pourquoi il y a des étoiles dans le ciel, Liv? Non, pourquoi? Pour qu'on puisse retrouver le chemin de sa maison. Thank you. Un personnage seul dans un lieu hostile et éloigné de toute forme de civilisation doit donc se battre pour survivre. Et si tout se passe bien, elle sortira grandie de son expérience. De Seul au monde, de Robert Zemeckis en 2000, à The Revenant, d'Alexandro González en 2015, le cinéma adore ce genre de récit quasi muet, matériau en or pour un acteur en quête d'Oscar. C'est un peu moins le cas dans le monde des séries. Et en regardant Respirer, on ne peut s'empêcher de penser à la série américaine à succès, Lost. Bien sûr, pas de personnage solitaire dans Lost et une propension surnaturelle absente dans Respirer. Dépouillé et magnifiquement joué par une petite garce sans cœur, joué par une Melissa Barrera époustouflante, les épisodes s'enchaînent avec un réalisme prenant aux tripes et un sens de l'articulation entre les scènes de survie et les scènes de vie passée, où au gré d'une psychanalyse forcée par le destin en pleine forêt, l'héroïne prend conscience de son attachement futile à une mère qui l'abandonna jadis. Frôlant la mort, elle découvre alors en elle les ressources pour atteindre le lâcher-prise. Alors oui, il y a quelque chose de profondément américain dans la série. Et même si Liv déguste plutôt pas mal dans son état, sans vouloir dévoiler la fin, on imagine facilement le terme de la série. Alors, comment en aurait-il pu être autrement ? Vous imaginez une héroïne qui haïrait la nature, se ferait piquer par une araignée ou morte par un serpent pour mourir dans d'atroces souffrances au milieu d'un territoire isolé ? On aurait sans doute été bien plus proche de la réalité. Malgré tout, Respirer est une œuvre plaisante. Les images canadiennes sont magnifiques. La lenteur, car lenteur il y a, apporte une certaine dimension dramatique. Et les flashbacks nous font entrevoir tout le chemin emprunté par Liv qui l'emmènera au final à mieux comprendre sa mère et même à lui pardonner. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Vous aurez donc compris, sa survie laisse donc la place à une saison 2. D'ailleurs, les deux créateurs imaginent ce que Liv va faire en rentrant chez elle. Au départ, elle partait car elle avait besoin d'une validation de la part de sa mère. Mais finalement, elle découvre qu'elle est assez forte pour être seule. Non seulement elle est une avocate intelligente, mais elle peut également supporter émotionnellement tout ce qui lui arrivera dans la tête. Personnellement, j'aime penser que ce que nous voyons avec Dani est réel, donc pour moi, c'est aussi qu'elle est capable d'aimer et d'être aimée, nous racontent donc les scénaristes. Effectivement, la fin de la série laisse place à une certaine interprétation. Mais là, je ne vous en dirai pas plus. Je terminerai par un commentaire lu sur le web, signé Thierry Thévenot. Regarder un film, une série, n'a jamais été pour moi un besoin de faire une immersion dans la culture du comparatiste entre mieux et moins bien. Je me laisse porter par l'émotion de celui qui produit, réalise les images. Oui, car les images m'ont porté, transporté vers un chemin de réflexion lente, et je suis rentré dedans, j'ai adhéré à l'émotion, et même vécu l'émotion. Et on s'en moque des imperfections, des incohérences matérielles. Je ne crois pas que l'idée de départ était de faire un guide du survivialisme, une bible des blagues, un repère sacré. Alors si vous avez besoin d'une histoire qui court et survole l'espace, passez votre chemin, cette série n'est pas pour vous. Mais si vous avez besoin d'être remué dans vos sentiments, d'être rassuré sur le cœur de ce qu'est vivre avec des questions et des doutes sur votre passé, alors prenez le temps de vous plonger quelques heures dans ce labyrinthe. Vous serez peut-être content, mais prenez le temps, laissez-vous du temps. Alors, comme le dit si bien Thierry, laissons-nous du temps pour regarder cette série en 6 épisodes de Netflix qui fut la surprise de cet été 2022. Et respirons tous ensemble. Feel it, feel it, feel it, feel it. Baby, when the band is playing, yeah. Oh, and that solid beat. Oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. Yeah. Don't fight it, don't fight it, feel it. No, now, when we dance close together, yeah. With your cheek close to mine, yeah. And you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Yeah. Don't fight it, don't fight it, feel it. Swinging music, oh, make you wanna flip. Oh, don't be in pain, trying to restrain. Go ahead and move your hips. Oh, baby, when you're dancing near me, and I feel I wanna tease. Oh, and when I do, the feeling gets you, and you feel you wanna squeeze. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Voilà, c'était Respirer. Et je ne savais pas, quand j'ai fait cette chronique, qu'il y a une dizaine de jours, 15 jours, juste avant que je ai du mal à respirer, qu'elle serait autant de circonstances 15 jours plus tard. C'est assez amusant. Donc j'ai dit, il faut absolument que je la place là. Elle collera très bien avec l'actualité. Bon, ma respiration naturelle allait un petit peu se calmer les jours qui suivaient. Allez, en plus, je trouve que la musique de cette série-là est très entraînante, et un petit peu jazzy, et moi j'ai beaucoup apprécié de vous la faire découvrir. Allez, on part au palais, et on va parler de Mercredi. Bienvenue au palais. Oui, Mercredi, c'était avant-hier, mais car aujourd'hui nous sommes vendredi. Mais Mercredi, c'est surtout, alors que j'ai changé de scène... Et ça grince toujours. Hein. Je tiens à préciser à Laurent, j'ai changé de chaise. Hein. Je ne disais rien. Je ne disais rien. Mais tu le pensais très fort. Bah, j'étais là en train de me dire, il faut que je trouve une vanne. Puis je me suis dit, non, je ne vais pas l'embêter. L'adolescente taciturne aux célèbres tresses noires, ça te dit, Laurent ? Eh bien, elle a sa propre série, car mercredi, c'est la fameuse Mercredi de la famille Adams. Une série signée Tim Burton qui va pour l'occasion faire sa première série. C'est la première série pour Tim Burton. Eh bien, on l'attendait pour Halloween, forcément. Une série, une ambiance Halloween pour la famille Adams, c'était parfait. Ben non, eh bien non. Netflix en a décidé autrement et ça sortira le 23 novembre prochain. Voilà, une série en 8 épisodes qui va nous raconter eh bien, la vie de la petite Mercredi alors qu'elle aura intégré la Nevermore Academy après avoir été expulsée de tous les autres lycées. On s'imagine aisément pourquoi. L'inquiétante adolescente y fera la connaissance de jeunes camarades tout aussi bizarres qu'elle. C'est un peu la Bizarre Academy, hein, cette école. Et tentera d'élucider le mystère d'une série de meurtres qui terrorise la ville. Regardez cette ambiance, c'est la bande-annonce que je vous propose tout de suite. Mademoiselle Adams, je vois que votre parcours scolaire a été des plus intéressants. 8 écoles en 5 ans. Eh, la chelou, c'est un entraînement privé. La seule personne autorisée à torturer mon frère, c'est moi. J'ai rendu service au monde. Les gens comme Dalton ne devraient pas être autorisés à procréer. Mon renvoi n'a été que la cerise sur le gâteau. Tu vas adorer Nevermore. C'est un endroit magique où j'ai rencontré ta mère, où j'ai découvert l'amour. Tu seras enfin parmi tes semblables, des gens qui te comprendront. Et tu te feras peut-être même des amis. Sois un peu sociable, tente le coup. C'est vrai que j'aime donner des coups. Je ne me doutais pas que j'allais entrer dans un monde cauchemardesque. Où se mêleraient mystère, chaos et meurtre. Je sens que je vais me plaire ici. C'est la jeune Jenna Ortega que l'on a vue dans la série You et puis dans le dernier volet en date de la saga Scream qui prêtera ses traits à cette fameuse Mercredi Adams. Christina Ricci, qui a incarné le personnage à 2 reprises au cinéma au début des années 90, sera également au casting dans un rôle tenu secret pour l'instant. Et elles donneront réplique à Catherine Zeta-Jones, ce n'est pas n'importe qui, et Louise Guzman, qui interpréteront les parents Adams, Mortica et Gomez. Voilà, c'est très attendu. Et si vous allez sur Internet, vous pourrez voir les affiches de cette série-là qui crée vraiment une ambiance Tim Burton comme au cinéma. Voilà, c'est magnifique à ne pas rater. Donc, rendez-vous donc le 23 novembre, on aura l'occasion d'en reparler. Tout à l'heure, je faisais un teasing sur Dexter New Blood. Et c'est vrai que depuis un an, on se demande s'il y aura une suite à Dexter New Blood. Eh bien, on a eu quelques nouvelles cette semaine et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Mais malgré le succès des audiences, on n'a toujours pas de feu vert officiel pour une suite. C'est toujours en réflexion. Et si seconde saison, il y aura, ça tournera évidemment, mais ça, on s'en doutait, hein, c'est pas vraiment un scoop non plus, que ça tournerait autour du fils de Dexter, mais qu'il pourrait y avoir peut-être l'apparition de Michael C. Hall également, en sorte de flashback ou comme quelque part qui guiderait son fils. Et donc, ils pourraient aussi rester dans cette deuxième saison. C'est sûr qu'ils ne vont pas se prémunir d'avoir cet acteur-là s'il peut. Ça leur attirerait aussi une audience intéressante. Donc, rien n'est fait. C'est toujours en pourparlers. Mais voilà, donc en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour 2023, ou plutôt courant de l'année 2024, si le tournage commençait à démarrer. Mais c'est une info qui date de cette semaine. Donc, on n'avait pas oublié. Et la production n'a pas oublié de revenir un peu vers les médias pour en reparler. Alors, c'est comme du côté de Stargate SG-1, c'est-à-dire que du côté de Stargate, on a le créateur de Stargate SG-1 qui a un script, qui a un scénario déjà écrit pour un retour d'une série Stargate, mais rien n'est fait, rien n'est décidé. Et c'est même plus que ça, c'est que du côté de Amazon, qui a racheté la MGM, eh bien, c'est silence complet. Mmh. La seule chose qu'on sait, c'est que là, Stargate est arrivé sur la plateforme Amazon et on peut, moyennant un abonnement, accéder aux 10 saisons. Mais en tout cas, du côté d'un possible retour de la franchise, personne ne dit rien. C'est le statu quo, c'est assez bizarre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Ça ira mieux demain, l'émission cette semaine. Et on se retrouvera donc, bien sûr, dans une demi-heure pour le Hot 40, la révélation du nouveau classement. Et puis, bien sûr, vendredi prochain, avec Laurent, à 18h, pour Destination Série. Dans quelques instants, dans une poignée de secondes, avant le Hot 40, vous allez retrouver Charlie & Co. On vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et on vous dit à très vite. À très vite. Bye bye. Bye bye.